de la volonté, l'exemple même de la bonté. Jamais tu n'abandonnais tes idées, quel que soit l'effet, tu savais pardonner. Il a suffi de rien pour que tout cela prenne fin. Tel était ton destin. Demain, nous partagerons.